Chapitre 3e. Pour être risquée, la combinaison de Raphaël n'en était pas moins assez simple. Adeline, embarrassée dans ses affaires, aurait de la peine à rendre les 50 000 francs, et alors on exploitait adroitement sa situation. Mais pour que cette exploitation fût possible, il fallait qu'elle fût menée d'une main légère, sans quoi il rejambrait, et en voyant où on voulait le conduire, il se déroberait. Pour le prêt, on avait pu le prendre de force, mais ce moyen aventureux, qui avait réussi une fois, échouerait infailliblement si on l'employait de nouveau. Ce serait folie de vouloir encore jouer le même jeu. Sans la faillite bouteillée, qui lui avait forcé la main, elle n'eût assurément pas procédé de cette façon. Cela n'était pas dans sa manière. Quand elle avait réussi une affaire, ça avait toujours été par la douceur, par l'enveloppement, en prenant son temps, ses précautions et ses distances. Et ceux dont elle avait triomphé étaient plus forts que ce bon bourgeois. Il est vrai qu'alors elle opérait elle-même, tandis que maintenant elle était bien forcée de s'en remettre aux autres qui, eux, n'avaient point une main de femme. On serait vraiment bienvenu de proposer à cette honnête provinciale une association avec une ex-comédienne. Il fallait qu'elle se tînt dans la coulisse et que Frédéric seul parût en scène. Heureusement, elle pouvait lui faire répéter son rôle et au besoin le souffler. Il était intelligent, ce qui valait mieux encore, il était féminin, félin, il irait. Depuis que Frédéric lui avait mis en tête cette idée de fonder un cercle à Paris, il n'avait pas laissé passer un jour sans travailler à son organisation. L'appartement même où il l'installerait était choisi et dans des conditions à assurer le succès de l'entreprise, comme s'il s'agissait d'un restaurant ou d'un magasin quelconque. Avenue de l'Opéra, en plein Paris, de façon qu'on n'eût que quelques pas à faire lorsqu'on sortait le matin des grands cercles pour venir y tenter sa dernière chance. Superbe avec ses 20 fenêtres de façade au premier étage sur l'avenue. Luxueux à éblouir un étranger et en même temps assez sévère pour disposer à la confiance le naïf qui montrait son escalier sonore. Il importait de ne pas laisser échapper cette occasion unique, car malgré son désir de louer à un cercle, c'est-à-dire à un locataire qui ne marchande pas, le propriétaire se lasserait d'attendre et de sacrifier un avenir douteux, un présent certain. Ils avaient bien essayé sur lui le système de la participation mise en œuvre par eux avec tous ceux qui devaient prendre part à leur affaire, tapissiers, marchands de tableaux, cuisiniers, marchands de vin. C'est-à-dire qu'en plus de son loyer, il toucherait un tant pour cent sur les vertigineux bénéfices de la cagnotte. Mais ce mirage irrésistible pour des fournisseurs plus ou moins gênés avait échoué avec ce bourgeois de Paris assez riche pour ne pas spéculer sur la chance et assez défiant pour n'avoir pas une foi aveugle dans la probité de ceux qui gardent les clés de cette cagnotte. Il fallait donc se hâter, ne pas perdre un jour, ne pas perdre une heure. À son retour d'Elbeuf, Adeline avait trouvé chez lui un billet du charmant vicomte, le prévenant que le lendemain aurait lieu aux Français une première représentation qui serait une des grandes premières de la saison, celle d'une comédie de son beau-frère Faré, et que pour cette représentation, il était heureux de mettre un fauteuil d'orchestre à sa disposition. Au moins, n'allez pas vous imaginer, cher monsieur, que j'ai eu de la peine à obtenir ce billet, si couru qu'il soit. J'aurais voulu me donner le plaisir de vaincre des difficultés pour vous, mais la vérité m'oblige à déclarer que je ne les ai point rencontrées. Au premier mot que j'ai adressé à mon beau-frère pour le prier d'ajouter un fauteuil à celui qu'il me donnait, il a cependant répondu nettement par un refus, mais quand j'ai prononcé votre nom, ce refus s'est changé en la plus gracieuse des offres. Dites bien, monsieur Adeline, ce sont les propres paroles de mon beau-frère que je vous rapporte, que je considérais comme un honneur, qu'il veuille bien assister à ma pièce. Avec un public composé d'hommes comme lui, on aurait de l'originalité, et l'on oserait aller jusqu'au bout de son originalité. Adeline n'était point un habitué des premières, et s'il voyait une pièce, c'était ordinairement lorsque le chiffre de la 100e lui permettait de s'aventurer sans trop de risques, de même que s'il allait au salon de peinture, c'était après que les médailles étaient données et affichées. Mais comment refuser cette invitation qui, faite dans cette forme, était vraiment flatteuse? Il avait raison, cet auteur dramatique. Si les théâtres, au lieu de se laisser envahir par les filles, composaient mieux leur salle de première représentation, le niveau de l'art ne tarderait pas à s'élever. C'était une observation qu'il avait présentée lui-même plus d'une fois à la commission du budget lors de la discussion de la subvention des théâtres, et il lui plaisait de la retrouver dans la lettre du cher vicomte, qui, bien évidemment, répétait les paroles mêmes de Faré. La salle était brillante, c'était bien une grande première, comme l'avait annoncé Frédéric, qui, placé à côté d'Adeline, lui nomma le tout Paris qu'ils avaient devant les yeux. Le député n'était pas assez provincial pour ne pas connaître les noms, que Frédéric dévidait comme un montreur de figures de cire. Mais c'était la première fois qu'il voyait la plupart de ces célébrités, vraies ou fausses, et qu'il entendait les histoires qu'on racontait sur elles à demi-mot. Tous ces noms et toutes ces histoires défilaient sur les lèvres de Frédéric, légèrement. Pour deux seulement, il insista. Sa sœur, Madame Faré, cachée au fond d'une baignoire, et le colonel Chamberlain, le riche américain, qui occupait une avant-scène avec sa femme. Bien qu'on aperçût difficilement Madame Faré, Adeline cependant la vit assez pour remarquer la grâce et le charme de sa physionomie. Il en fit compliment à Frédéric, qui répondit aussitôt « Cette physionomie n'est pas trompeuse. On ne peut la voir sans se laisser gagner par elle. Ma sœur est réellement une charmeuse, et je le sais mieux que personne, puisque l'expérience en a été faite à mes dépens. Mon frère et moi, nous étions les héritiers d'une tante que nous avons dans le Midi, à Cordes, et qui devait nous laisser à chacun quelque chose comme 2 millions. Sans que nous ayons rien fait pour lui déplaire, et sans que notre petite sœur ait rien fait de son côté pour nous nuire, ma tante a, par contrat de mariage, fait donation de toute sa fortune à sa nièce, simplement parce que celle-ci l'a charmée. Cela est vif, n'est-ce pas? Mais ce qu'il est bien plus encore, c'est que ni mon frère ni moi, nous n'avons eu un seul instant un mauvais sentiment contre notre sœur, l'aimant après comme nous l'aimions auparavant. Il est vrai que dans notre famille, nous avons le malheur de ne jamais nous inquiéter des choses d'argent. Pour moi, ce que je regrette dans cet héritage, c'est une vieille maison, construite par notre aïeul Guillaume de Puylaurens, qui fut ministre du dernier comte de Toulouse. Laquelle maison, par un miracle, restait-elle qu'elle était du temps de notre aïeul? J'avoue que j'aurais aimé à passer un mois de villégiature, dans une maison du XIIIe siècle, meublée de meubles de l'époque. Adeline avait déjà entendu quelques allusions à cet héritage perdu, mais c'était la première fois qu'on lui en faisait l'histoire complète, et la présence de l'héroïne la rendait plus saisissante. Vraiment, le vicomte était bon enfant, de n'en avoir pas voulu à sa sœur, et aussi bien désintéressé. Il fallait, comme il le disait, que les choses d'argent eussent peu d'intérêt pour lui, et comme son frère était dans le même cas, il y avait là sans doute une disposition héréditaire. L'histoire du colonel Chamberlain occupa l'entracte suivant, mais celle-là ne touchait en rien Frédéric, et s'il la raconta, ce fut évidemment pour le plaisir de conter et pour amuser son voisin. Vous ne savez peut-être pas que c'est chez Raphaël que ce colonel, maintenant si connu, a fait pour la première fois parler de lui à Paris. C'était il y a quelques années. Il se garda de préciser l'année, 1867, ce qui eut un peu trop vieilli Raphaël. C'était il y a quelques années, Raphaël, qui était déjà une comédienne de grand talent, donnait une soirée. Le colonel, qui arrivait d'Amérique, fut conduit chez elle, où il se rencontra avec un joueur dont vous avez sûrement entendu parler, Amenzaga, célèbre pour avoir fait sauter les banques du Rhin. Quand Amenzaga était quelque part, on jouait, qu'on en eût envie ou pas. On joua donc, et en quelques minutes, le colonel avait perdu 300 000 francs, ou plutôt, Amenzaga lui avait volé 300 000 francs. Naturellement, le colonel ne s'était aperçu de rien, mais un curieux avait vu le tour d'Amenzaga, qui opérait au moyen de portées ou de séquences, c'est-à-dire de cartes préparées à l'avance et ajoutées au talon. On se jeta sur Amenzaga, on lui déchira ses vêtements, et on lui reprit l'argent qu'il avait volé. Enfin, un scandale épouvantable. Depuis ce jour, on ne joue plus chez Raphaël, car en femme d'expérience, il sait que partout où il y a des joueurs, il peut se glisser des filous, si sévère qu'on soit sur les invitations. Le soir où ce scandale est arrivé, elle avait, à l'exception d'Amenzaga, l'élite du monde parisien, la fine fleur du panier, et cependant, l'histoire du colonel. Je n'en sais pas de plus instructive et qui prouve mieux l'urgence qu'il y a à rétablir les jeux, ou tout au moins à ouvrir des cercles dans lesquels les joueurs puissent jouer avec une sécurité complète. Si j'étais député, ce serait une question qui m'occuperait. Rétablir les jeux, c'est bien grave. C'est plus grave encore de les interdire. Je comprends que l'entrée des maisons de jeux ne soit pas libre, et là-dessus je suis d'accord avec vous. Mais comme le jeu est une passion que la loi ne peut pas plus supprimer que les autres passions, je voudrais qu'on offrît à ceux qui en sont affligés, donner lieu de réunion où ils seraient assurés de n'être pas volés. C'est une question de moralité, de salubrité publique. Songez donc que dans les cercles autorisés ou tolérés, la police n'a rien à voir et ne pénètre pas, de sorte que si les directeurs de ces cercles ne sont pas honnêtes, les joueurs y sont volés comme dans un bois, sans que personne vienne à leur secours. Or, ces directeurs sont-ils honnêtes ? Le rideau, en se levant, coupa court à ce discours, qui ne recommença pas ce soir-là, car Adeline s'était laissé prendre à l'intérêt de la pièce, et il se donnait à elle tout entier, heureux d'applaudir au succès du beau-frère de son ami. Quand de longs applaudissements saluèrent le nom de Faré, il se passa cela de caractéristique dans le cœur d'Adeline, que sa sympathie et son amitié pour Frédéric de Mussidan s'en trouvèrent augmentées. Deux jours après, comme Adeline sortait de chez lui un soir pour faire une courte promenade avant de se coucher, il se trouva face à face avec Frédéric qui, par hasard, passait rue Tronchet, se promenant aussi, et tous deux bras dessous, ils s'en allèrent flâner sur les boulevards. Le temps était doux, les passants se montraient assez rares, on pouvait causer librement. Cette rareté des passants fournit à Frédéric le point de départ pour ce qu'il voulait dire. « N'êtes-vous point frappé, mon cher député, de la transformation qui s'opère à Paris ? Il n'est pas 10 heures, et nous avons déjà vu je ne sais combien de magasins qui ont fermé leur devanture et éteint leur gaz. Certainement, il y a du monde sur les trottoirs, mais vous voyez qu'on n'est plus coudoyé et bousculé comme autrefois. Il y a là un changement qui, me semble-t-il, doit inquiéter un homme de gouvernement comme vous. Que voulez-vous que le gouvernement fasse à cela ? Il pourrait faire beaucoup. C'est un fait, n'est-ce pas, que Paris perd de son élégance, de son mouvement, de son bruit, et qu'il n'est plus l'auberge du monde qu'il a été. On ne s'amuse plus, il n'y a plus personne pour donner le ton. Et dans notre monde de plus en plus bourgeois, il n'y a plus que des bourgeois qui s'ennuient bourgeoisement et qui ennuient les autres. Cela est grave, très grave, pour la prospérité du pays et pour la fortune publique, car c'est une des causes de la crise commerciale dont tout le monde souffre, les riches comme les pauvres. Pour la crise que traverse votre industrie, les explications ne vous manquent point, n'est-ce pas ? C'est le remède que vous n'avez point. Eh bien, un des remèdes à ce mal serait de rendre à Paris son animation d'autrefois. Que se passait-il quand des quatre parties du monde, les étrangers affluaient à Paris pour s'y amuser et faire la fête ? C'est que pendant leur séjour ici, ils achetaient tous les objets de luxe dont ils avaient besoin chez eux, leurs meubles, leurs bijoux, leurs vêtements. C'était du drap d'Elbeuf que nos tailleurs employaient pour ses vêtements. C'était avec des soieries et des velours de Lyon que nos couturières habillaient leurs femmes. Rentrés dans leur pays, ils y exhibaient fièrement leurs achats, et pour les imiter, leurs compatriotes demandaient à la France des produits français, d'où la fortune d'Elbeuf, de Lyon et des autres villes de fabrique. Voilà pourquoi il faut ramener les étrangers à Paris. Et pour cela, il n'y a qu'un moyen efficace, en faire une ville de plaisir, où chacun trouve à s'amuser selon ses goûts plus que partout ailleurs, afin de ne pas aller ailleurs. Pour moi, j'ai des idées là-dessus, dont je vous ferai part un jour ou l'autre, quand elles seront mûres. Assurément, mon nom, ma famille, mes ancêtres, mon éducation, mes convictions, mes principes, devraient m'empêcher de travailler à la consolidation du gouvernement, mais l'intérêt de la France avant tout.